feliz. Es que me acaba el amor con esa frase. Pourquoi la Jean Kukitana, José Bainda Manteke Nanteke, Kamera Bakanga, Sandumpe Bakangi, Rakote Kabolingo, Kamera Bakanga, Komasimida Bakangi, Rakote Kabolingo, Kamera Bakanga, Ataya Kote Kaye, Defisama. Ataya kode vizai Kamera bakangi Sama sikida bakanga Bora kote kaburi Chireta bakanga Kamera bakanga Sando pe bakangi Mala kote kaburi Chireta bakanga Uri yotanga Kepi lotanga padumbu Okito panda shala Le boss Ya mundo na yo Ezala kia katre sezon Mote mananga, les aïa deux saisons. Reste allé contre toi la croissance. Si c'est n'est pas qu'à fumer, faut vous louer qu'on a bien. Mourinho, Mourinho, Mourinho, Oda Ngabakani, Nibo Loulou, Trésor la blonde, Ludo VIP, Tony Mwaba le meneur en toge. Makanisa ki kombo bebe, kenza no popo nanga Tukande vokablango, eza kombo mototo Amonange konkode, kawe ya maike mosisi Amonange konkode, no ya bubudi yondela Kodambo kawe mushene, 00 de soka nkwa Amonange konkode, na huya Claude Mama Mama Dungongo, bijouterie Manatana Ingénieur Jupéki Skin Zébola, Patrick Eboyo, Alain Boika, M. Iriga, Adel Djoko, Bagou Danzeli, bienvenue à Wa Escobar, Fébol, Bila Bila, Mouviston.